Et si vous voulez dire ce, comment dites-vous ce ? 这个。 Et comment dites-vous juste ce ? 这。 Pour dire ici en chinois, vous utiliserez le mot 这儿。这儿。C'est un 这 et un 这 doigt noir pointé vers le sol. 这儿 pour dire ici. 这儿 Donc c'est ce avec r à la fin. Oui, c'est exactement le même caractère que 这. D'accord. Donc le même caractère que pour ce avec un à la fin. Pour le mot ici, on a deux caractères qui se prononcent en une seule syllabe. Le premier est 这, qui signifie ce, et l'autre est e. On a le caractère e, mais la prononciation est simplement 这. 这儿, 这. Et le tout veut donc dire ici. Alors dites, il est ici, il se trouve ici. 他在这儿。 Il est ici. 他在这儿。 Elle est ici. 他在这儿。 Elle est ici. 他在这儿。 Comment dites-vous? Ils sont ici. 他们在这儿。 Ils sont ici. 他们在这儿。 Et comment dites-vous? Elles sont ici. 他们在这儿。 Elles sont ici. 他们在这儿。 Maintenant, comment dites-vous? Elles ne sont pas ici. 他们不这儿。 Et comment indiquez-vous le fait de se trouver quelque part? 在. Donc, comment dites-vous? Elles ne sont pas ici ou elles ne se trouvent pas ici? 他们不在这儿. Elles ne sont pas ici. 他们不在这儿. Il est ici. 他在这儿. Elle est ici. 他在这儿. Ils sont ici. 他们在这儿. Elles sont ici. 他们在这儿。 Elles ne sont pas ici. 他们不在这儿。 Maintenant, dites, qui est ici? Donc, ici est qui? Qui se trouve ici? Ah oui. 谁在这儿? Qui est ici? 谁在这儿? Je suis ici. 我在这儿。 Je suis ici. 我在这儿。 Qui es-tu? Ou bien, tu es qui? 你是谁? Qui es-tu? 你是谁? Qui est-elle? 她是谁? Qui est-elle? 她是谁? Alors, vous regardez un groupe de personnes et vous vous tournez vers votre voisin pour lui demander qui sont-ils? 谁是他们? Ils sont qui? Ah, d'accord. 他们是谁? Qui sont-ils? 他们是谁? Donc l'endroit où vous mettez le qui en chinois se fait selon la structure du remplacement. Qui est ici? Il est ici ou bien il est qui? Il est mon professeur. Vous mettez simplement le qui à l'endroit où va la réponse. Parfois, vous remarquerez que le chinois reproduira l'ordre des mots du français et parfois non. Donc, si vous dites « Qui est ici ?»« 谁 在这儿?»« Qui est ici ?»« 谁在这儿?» Alors, comment répondrez-vous « Je suis ici ?»« 我在这儿。» Je suis ici. 我在这儿。 Donc, pour dire ici, on emploiera 这儿 plus 儿 这儿。 Mais pour dire là-bas, on utilisera 那 那 那 plus 儿 doigt noir pointé vers le sol 那 那 pour dire là-bas. Oui, donc...On a en fait deux caractères, mais une seule syllabe en chinois. Là-bas. Na. Doigt noir pointé vers le sol. Alors, comment direz-vous, ils sont là-bas? 他们在那儿。 Ils sont là-bas. 他们在那儿。 Le professeur est là-bas. Et vous ne traduirez pas le en chinois. 老师在那儿。 Le professeur est là-bas. 老师在那儿。 Le professeur est ici. 老师在这儿。 Comment dites-vous, professeur? 老师。 Le professeur est ici. 老师在这儿。 Le professeur n'est pas ici. 老师不在这儿。 Le professeur n'est pas ici. 老师不在这儿。 Le professeur n'est pas ici maintenant. 老师不。 Alors, nous voulons savoir quand ça se passe. Juste après qui. Donc, après qui se trouve quand. Alors...老师现在不在这儿。 Comment dites-vous, professeur? 老师 C'est ça, 老师。 Le professeur n'est pas ici maintenant. 老师现在不在这儿。